All right! C'est maintenant le temps de la deuxième partie de notre podcast slash dégustation avec Olivier Landry d'Expérience Bière featuring Papa Cassette. Là, il y a des gens qui vont commencer cet épisode-là, puis pour vous éviter toute confusion, on vous recommande fortement d'aller écouter l'épisode 98 en premier lieu, parce que c'est comme un épisode coupé en deux. Donc, c'est vraiment votre call dans le fond, parce que c'est comme un podcast dont vous êtes le héros, vous pouvez choisir dans l'ordre dans lequel vous l'écoutez, puis sinon, ben, il y a peut-être des fans de Tarantino qui vont triper sur le fait de l'écouter à l'envers, mais ben, faites que ce que vous voulez, c'est Internet, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Donc, sur ce, guys, bon podcast, bonne écoute, et surtout, ben, allez liker la page d'Expérience Bière, allez liker la page du collectif, puis allez liker la page de Papa Cassette aussi. Shameless plug. All right, podcast time! On enchaîne. On pas enchaîne. Pas gaspiller non plus. Non, non. Peut-être ici, il en reste. Il reste si... beaucoup dans celle-là. Elle t'a vraiment rentré dans... Il en reste correct. Dans tes goûts, celle-là, tu peux la continuer. Je pense que tu veux de l'amour. Je vais en prendre un petit peu, mais t'avais pas l'air de la détester non plus. Non, mais je me garde de... Ben, c'est ça qui arrive. Je suis comme... La dernière fois, honnêtement, c'était tout le temps comme une gradation constante dans le goût. Fait que je suis comme... Mais... Ouais, ok, c'est bon. Ah ça là, ça va être un beau produit, ça intéressant ça. Mais c'est celle-là on que... On voit le dépôt dans le fond là. Puis là aussi le dépôt faut le boire hein, le goût il est là-dedans. Là. On va s'arranger pour pas que ça arrive. Oh. C'est une joke ça ou... Mais non c'est vrai. Ah c'est comme un... Parce que c'est moi comme... je fais beaucoup référence dans ma tête, au groupe Facebook qu'on connaît puis qu'Éric est dessus, Capsule Bière. Je connais pas. Il connaît très bien. Lui il est rendu sur Capsule Cigarette. Capsule moi, je vais joiner ça, ce groupe-là, je pense, par exemple. Non, on en reparle. Moi, je suis sur le Drain It Québec, là, je sais pas quoi, le monde qui draine. Drain Poor Québec. Ouais, ouais. C'est, j'ai abandonné il y a longtemps. Ben, je regarde même pas, en fait, c'est rare qu'il y en ait. C'est du... En tout cas, ouais, moi à l'époque où je regardais, c'est des gens qui avaient besoin d'attention, puis ouais, menu, ben on a d'autres choses à faire. Mais là, je l'ai vu sur Capsule, là, cette semaine, là, popé beaucoup. Là, cette, ouais. Là, t'es en train ben là, de tourner à l'envers pour faire des choses. Ben, c'est ça, c'est comme un kombucha. T'as comme le bon, il est dans le fond. Fait que si je vais sur twist. Capsule Bière, puis je fais des lives de moi qui veille des pabs à l'envers en disant que le goût, il est pogné dans le fond. Ben, tu vas troller, là. Tu vas alimenter le fait que Capsule Bière est rendu une cour de récréation. C'est bon, je m'en vais joindre ce groupe-là ce soir. Puis, dans le fond, on poursuit avec une bière de Vrouden, mais qui est en fait une bière, une commande d'Authentique Projet, mais que Vrouden a brassé. Les ouais. Autres, ouais. C'est ouais. leur... Sur leur format. Ouais. Authentique Projet, qui est un projet de... On en parle tantôt. Comment tu dis? La canette versus la bouteille, là, parce que c'est un débat grandissant, ça. Oui, je vais en parler avec plaisir, certainement. Donc, Authentique Projet, qui est un projet de Carl du marché du village, qui a demandé à Carole du Brassé une milkshake IPA. Qui est une New England IPA, qui est une IPA avec de l'avoine, du blé très voilé, qui est axé sur le côté aromatique du houblon. Et là, on ajoute à ça du lactose. Le lactose, qui est le sucre qu'on trouve dans les produits laitiers, qui est un sucre non transformable en alcool. C'est pas du vrai lait, là. Non, c'est juste le sucre. C'est un sucre non transformable en alcool, donc la levure n'est pas capable de le bouffer. Il laisse une petite dose de sucre, une petite douceur, un petit côté crémeux un peu. Et puis, on ajoute à ça de la vanille pour donner l'effet de milkshake. Et on a ce qu'on va boire. C'est surprenamment bon, des milkshakes IPA. Moi, là, quand j'ai lu la description, j'ai fait « Ben voyons donc, jamais j'aimerais ça ». Puis j'ai goûté pour le fun, puis j'ai trippé à quel point ça se boit bien. À quel point c'est bon. J'étais vraiment surpris. sans jamais avoir bu de bière catégorie milkshake, si on peut dire, là, étant un gros fan de vrai milkshake, est-ce que je vais y retrouver une ressemblance? Je le sais pas, j'ai jamais bu de milkshake. Pour de vrai, j'aime pas le lait, je suis pas trop un gros fan de produits laitiers. En passant, la première de Riverdale Season 2 ce soir. Ah non. Hey, au nez, là, je trouve qu'on l'a le milkshake. Là. Plus que la milkshake de Jukebox. Elle est plus goûteuse, celle-là. Vraiment, là. Ah oh, ouais, ça sent. Oh, ça sent, ouais. Mais juste quand tu trempes les lèvres dedans. La texture, t'as le goût de suite qui pop, on dirait. Elle est vraiment vanillée, là. Ouais, c'est solide, là. Pas mal plus que la Jukebox, là. Ouais. Là ça, rien, j'enlève rien à la Jukebox, là. Mais là non, ça enlève trouve... rien à la Jukebox, elle est super équilibrée. Celle-là est punchée, c'est pour ça que je l'ai apportée. Exact. À 30 dedans, puis t'as vraiment l'impression. C'est spécial comme goût, là. Ouais, c'est parce que t'as le goût d'IPA qui arrive, qui fait comme « Hey! » Puis c'est comme « J'ai invité mon chum vanille! » Ouais. Il y a de la misère. Chum Vanille, il prend toute la place. Ça goûte comme une milkshake. Ouais. Ça. Je trouve qu'elle sent plus qu'elle goûte, par exemple. C'est possible, ouais. C'est peut-être moi. Ouais, c'est peut-être ma nouvelle septoplastique. Ben, je l'avais. Je sens bien. Je l'avais mentionné, si je me souviens bien, au premier podcast. Mais tu sais, quand on goûte, on sent d'abord la bière. Ensuite, aussitôt qu'on prend notre gorgée, notre bouche. Tu sais, notre nez va percevoir 50 000 arômes et plus, jusqu'à 100 000. Wow. Puis notre bouche va percevoir quoi, le sucre, l'acidité, l'amertume. Puis le umami. Puis le umami, ah, mais tu sais, oui, c'est bien rare. Je me souviens du umami. C'est bien rare que du umami. C'est quoi ça? Le pire, c'est que j'ai le goût de rentrer dans un commerce, puis de faire genre salut. Quelle saveur cherches-tu? Umami. Juste voir la face du gars faire comme « Oh mon tabarnak. » Va. Sors-moi tout ton stock ou mamie. Il sort le six-pack de bouche. Va à l'espace Soublon, là, à Blainville ou à Saint-Eustache, proche de chez vous, là. Puis demande ça à un des conseillers. C'est un bon test. Hey, fait que, il y a un espace Soublon à Saint-Eustache? Ouais. Merci. Tu viens de m'économiser. Calisse, man. Parce que, écoute, j'ai dépanné un voisin que je suis arrivé là, puis... C'est là que j'ai réalisé que ça fait longtemps que je reste plus proche de la ville. Dépendant voisin est pas pire quand même. Mes chums, ils viennent chez nous. J'invite Chris Bolanos. Salut Chris. Je dis, tu vois, dépendant voisin, il y a une bonne sélection de bières. Fait qu'il arrive, puis il y a genre de la Trou du Diable. T'en as une en beau. De la chemise, de la main, de la kit. Puis il y a comme 2-3 bières funky que je pourrais même pas te dire qui les brasse. Puis il était comme, ah, c'est ça ta sélection de microbrasserie. Puis moi, j'étais tout excité parce que j'étais comme, dans mon attente à moi. J'ai fait que je vais boire de la Carling puis de la Wildcat. Je reste en région. Fait que ouais, mais au moins, toi, le vendredi, t'as Steve qui est au bar. Oui, oui, le fameux bar karaoké, le chalet. Ouais, le chalet. Mais si tu descends à Sainte-Marthe, là, faut que t'ailles voir Steve. Fait que quand on est en ville, on va te voir toi, évidemment, sur Amherst. Mais quand on est éloigné, il y a quand même des spots pour le monde qui nous écoute. Qui sont pas nécessairement en ville, il y a des bons spots pareil pour aller se faire. Ben oui, absolument. Comme Espace Soublon, c'est des confrères. Puis c'est super bien fait, les magasins, une belle sélection. Vraiment une très belle sélection de bières. Je t'écoute parler, ça a l'air tellement amical. Ça a l'air cool. Non, mais tu sais, c'est pas un milieu, là, mais tabarnak. T'sais, moi, je travaillais dans les magasins de 10 dans le temps. Puis il y a 3 magasins dans le même centre d'achat. Puis tu regardes le monde croche quand tu dînes. Parce que tu devrais travailler en télécommunication. Tu vois, c'est beaucoup plus amical comme business. Hein, Rick? Ah, c'est écœurant. Les gens sont gentils. Tu devrais être sur le groupe Nintendo Fans Québec, c'est comme malade. Mais je t'écoute parler, tout le monde est dessus, correct, tout le monde c'est des chums. Il y a une belle fraternité dans le monde de la bière. Exact. Ouais, il y a une super belle fraternité, puis non, mais c'est ça, les gens Rive-Nord, ouais, la référence c'est Espace Soublon. Cool, ben je vais aller leur rendre visite, c'est sûr et certain. Hey, elle est bonne celle-là. Celle-là, je vais donner un petit verre à ma femme. Je veux qu'elle goûte. Ben, certainement. Je l'ai! C'est ça. Je vais donner un verre à ma femme. Hey! Viens ça! Fait, les milkshakes à pied, c'est-tu comme un nouveau style, ça? Ou, ouais, ben, c'est assez contemporain. Là. C'est oui, très contemporain. C'est la première fois que j'entendais ça. Ouais, ben, justement, tu sais, quand Eric m'a dit on aimerait parler de l'évolution du marché de la bière depuis ton dernier passage... Je me suis dit, je vais apporter ça. C'est comme le meilleur exemple. C'est sûr qu'une sour ou blonnie comme. Ça n'existait même pas. Comme brasserie marin, mais là, une milkshake IPA, on est ailleurs parce que. Puis j'aime le fait qu'on ait commencé avec une pils parce que la recherche des lagers sèches était très présente et logique. On veut se rafraîchir, on veut de quoi de pas sucré, de clean. Fait qu'une bonne lager sèche, c'est logique. Mais là, rajouter du lactose dans la bière, c'est contraire à l'idée d'aller chercher une sécheresse. Ouais. Puis pourtant, c'est à la mode, puis ça donne un résultat agréable. T'sais. Mais sais-tu, j'ai l'impression aussi que, tu sais, avec la température hors du commun qu'on a eu au Québec cette année, tu sais, justement, la quête de la lager sèche, là, ouais. On ne peut plus justifier, tu sais. Hey, bon, ben, on est au mois d'octobre, puis je sors en t-shirt dehors, puis on est correct, il pleut pas, puis. Tu sais, c'est comme cette bière rafraîchissante-là. Je pense qu'il va y avoir un besoin grandissant de bière comme ça. Les nouveaux octobres sont le meilleur mois qu'il existe. Elle est goûteuse, puis elle est funky, mais elle garde ce côté où. J'ai pas soif après prendre une gorgée. Tu sais, elle est quand même rafraîchissante, celle-là, la milkshake. Surprenant, ça se boit super bien. Mm. Ouais. Mais ça reste contraire. Puis tu sais, la brasserie marin aussi, c'était super sèche. Puis la Dunkel, peut-être un petit peu moins. Mais là ça, c'est sucré. À cause du lactose. Moi, je trouve ça goûte. Là, on l'a, la crème glacée. Là. Ouais, le mot milkshake est totalement justifié. Le là. Float aussi, là, tu sais, mettons. Exact, ouais, un flotteur. Un flotteur, là, t'avais de la liqueur, puis la petite boule de crème glacée à vanille qui est dedans. Direct ça. Mais ça goûte. C'est un peu ça quand j'entends Dominique dire ça, parce que la première milkshake que j'avais goûtée, c'était la Jukebox. Ouais, la New Wave. La New Wave. Ouais, c'est la New Wave. Moi, je trouvais que ça goûtait juste comme la IPA. C'est ça, je la trouvais pas. Je m'attendais vraiment que ça me pogne. Mais il a mis la vanille subtile pour pas écœurer. Puis moi, j'avais adoré. Je veux être écœuré. Je goûte de quoi qui s'appelle Milkshake IPA. Là, je veux que t'ailles à fond. Ah, mais d'un autre côté, là, on va être transparent, là, mais le terme IPA, là, ça fait 4 ans que t'es venu. Là. Ouais. Il est pas mal fucking partout à Star. Là. Quand tu vas t'acheter de la micro, là, tu rentres dans une place et c'est comme IPA Sour. Ben, j'ai quand même des fois de la misère au goût à faire la différence entre une double IPA ou ben une New England IPA, mettons. Mais aussi une IPA normale. IPA, tu sais, ça c'est OK. Là, c'est. Il y en a plusieurs sortes. Ouais, puis encore là, c'est ça, une IPA anglaise. Est-ce que c'est American West Coast, American East Coast? On dirait qu'ils l'ont comme. Est-ce que c'est le brasseur qui a brassé ce qu'il voulait sans tenir compte des styles? Exactement. Mais tu sais, quand on tombe. C'est intéressant ce que tu dis, André, parce que quand on tombe dans les New England IPA puis les Milkshake IPA, moi, j'utiliserais quasiment plus le terme IPA. On est tellement ailleurs. Ouais. Oui, c'est houblonné, mais là, t'enlèves la mer. Je sais pas. Ben, parce que le mot IPA, en plus, la grosse amertume IPA est là, pareil. Genre. Mais c'est vrai que ça fait peur au monde. Mais moi, mettons, ma blonde n'aime pas les IPA. Elle n'aime pas ça. Puis elle aimerait ça. Je pense pas. Justement, que je trouve que la IPA, l'amertume de IPA est quand même très présente. T'sais. Puis j'y ai fait boire de la Nord-Est. Et puis, ça trouvait ça intéressant, mais. IPA est quand même là dans le goût, en tout cas dans son goût à elle. Moi, tu vois, ma blonde, elle avait bien aimé la season de Castor. Ma blonde déteste la bière. La Yakima? La Yakima, là, justement, la season, elle a adoré. La season, c'est autre chose. C'est quoi ben, la season? C'est autre chose. En fait, c'est parce que moi, j'avais jaune, là? OK, non, je la mélange. C'est la session. Je pense que c'est la session. Ils ont fait une saison racco. La label était verte, mais pas vert comme la IPA normale. Okay. Genre de vert foncé. Là. Puis écoute, à triper ben raide. La farmhouse houblon? Plus petite avec ça, c'est la fille en vélo, là, sur le dessus. Ouais. Ça goûte tellement, là, la farmhouse. Là. C'est la brette, des levures sauvages. Mais tu vois, je me souviens plus c'est laquelle précisément, mais on faisait du hiking, puis ma blonde qui déteste la bière, puis elle a fait comme « Ah, celle-là, elle est fun, elle goûte les agrumes. » Je dis, OK, t'aimes une bière qui goûte les agrumes, mais tu détestes l'IPA. De l'autre côté, l'amertume est là, mais pas l'agrume sucré, là, en plus. Là, comme... Je peux apporter une explication. OK. Ou une hypothèse. Aide-moi là-dedans. Plutôt. Ouais, j'apporterai une hypothèse, c'est que les levures de saison, il y a un goût d'un peu de pêche. Dans les esters de levure, les esters, c'est une des molécules que les ales créent. Il y a un côté, moi j'adore les saisons, justement, ce petit côté fruité-là, il est écœurant. Écœurant dans le bon sens. C'est comme un bonbon que je bois, là. J'aime ça beaucoup. Ça saoule en plus, ça. 16.5. Ben oui, absolument. Hey, wow. Fait que ma théorie, ça serait ça, c'est que c'est le côté fruité vient de la levure et non pas du houblon. Il y en a avec le houblon, je veux pas, t'aimes pas ça. Contrairement à dit, ça va être moins houblonné et plus... Des fois, c'est fruité. Pratiquement... Ouais, c'est bien moins houblonné. Puis le côté fruité vient de la levure. Puis il y a un côté agrume, pêche, si tu veux. Tu sais, on dit agrume. Je pense que le mot agrume est utilisé à outrance. Là, on fait référence à un côté fruité, finalement. Puis ça vient de la levure au lieu du houblon. Ça serait ça, mon hypothèse. Mmh, probablement. Mais ce qui est cool, au moins, c'est qu'elle commence à s'essayer un peu plus dans la bière, puis à en goûter. Puis on est allé à Porto Rico. Développe ça. Mais c'est cool, ça, je trouve. Puis c'est une belle passion à partager. Parce que c'est comme une bouteille de vin... La bière, il y a un format idéal. Oui. Tu peux ouvrir une bière puis faire on va la goûter. On se paque pas à fraise, c'est mercredi soir. Ben, je veux laisser prendre un 2-3 de la shot, c'est ça la beauté de la chose. La bouteille de vin, c'est genre bon, ben demain, elle goûtera fuck all pareil. Parce que je vais la remettre dans le frigidaire avec du papier d'aluminium puis. Tu sais? Ouais, ben non, je déconne, là. Tu sais, il y a quand même les bouchons puis les whatever, là. mais je trouve la bière. T'sais, on en parlait un peu dans le dernier épisode, c'est quelque chose de réconfortant, c'est quelque chose qui rassemble les gens. Puis je trouve que les formats qu'on a de bouteilles de bière vont permettre à... Tu peux la partager, tu peux la boire seule, peu importe. Puis tu peux faire ça n'importe quand dans la semaine. Un lundi soir, tu as une dure journée au bureau, tu veux une récompense, ou la fin de semaine, crime, tu as bavé toute la journée, tu as fait ton gazon, etc., tu le quittes. Tu sais, il y a moyen... Il y a une bière pour tout le monde. Il y a un format pour tout le monde. Ça se partage bien, ça rassemble. Puis c'est pour ça que les bières sessions plus faibles en alcool sont bien populaires. Moi, j'ai souvent des clients qui arrivent et me disent « Là, j'ai une dure journée, mais on est mardi. T'as-tu une bonne session? J'ai le goût de boire une bonne bière, mais pas nécessairement d'être assommé. » Je veux rentrer au bureau demain. Là. C'est ça. Je vais conseiller une bonne bière à 4% et moins, avec plein de goût. Puis il y a bien du fun, il y a quelque chose de goûteux, puis il décroche. On a-tu fini voit quelque chose de le fun. Les milk IPA? Celle-là, il en reste, je pense, dedans. Puis tu sais, j'ai vécu de quoi? Tu sais, on parlait justement, tu sais, l'influence mondiale. Écoute, v'là, c'est-tu l'année passée, j'étais allé à Porto Rico avec ma blonde, puis on est rentré dans une place, puis le gars, tu sais, c'était... Le front, c'était dans le vieux San Juan. C'était genre, on a 101 sortes de bière. Puis là, je suis rentré là-dedans, nanana, puis là, on jase avec le gars. Puis là, un moment donné, le gars, ah, vous venez d'où? Ah, j'ai de Montréal, il fait. Hey, puis le gars, il slame sur le bord. Là, je fais, tabarnak, j'ai-tu dit quoi qu'il fallait pas? T'sais? Faut que je me lève puis je me prépare. C'est bord routier, let's go. Puis là, il dit, l'été prochain, je m'en vais dans votre bout. De quoi l'été? Non, mais écoute, je m'en vais là-bas. Et j'étais à New York, j'étais à telle place, le kit. Il y a tellement de belle culture de bière. Puis là, il part le kit. Puis j'ai comme déçu le gars un peu parce que le gars était ultra connaissant. Il était into it. Il était vraiment into it. Puis moi, j'étais même pas de la côté. J'aime ça. Puis j'essayais de le suivre. Puis ma blonde, un moment donné, elle me regarde. Elle fait que ce gars, il est torche. Je sais. C'est type, on connecte, là, tu sais. Puis j'essaye de le suivre. Puis je suis pas capable. Puis le gars, il a comme eu un moment de déception. De genre, tu restes au Québec. Vous avez plein de fucking produits écœurants. Puis t'es clueless. Ouais. Puis pour lui, là, il comprenait pas. Puis moi, j'étais juste assis. Puis j'ai dit, écoute. Un grand passionné. Moi, mais le gars, le bar était juste génial. Faudrait que je retrouve c'est quoi. Puis je vais le mettre sur la page Facebook du collectif, justement. Mais c'était une place. J'espère que c'est pas dévasté parce que c'était une journée féerique. Écoute, on s'est promené. André, il a dit qu'il restait dans cette bouteille-là. Il devrait. Oui. Mais c'était une journée où je suis rentré là-bas. Ma blonde a fait genre, hey, ça ressemble à une galerie d'art. Si on rentre là-dedans, un petit vieux avec son chien qui fait comme, venez-vous-en, je vous fais faire le tour. Il sait qu'on n'a pas une scène. Il nous montre des toiles écœurantes. Après ça, on sort de là, je fais, ça a l'air cool, là. Va-tu prendre une bière? On rentre. Le gars m'explique tout. J'ai bu des bières locales. Que le gars me dit ça, c'était un de mes clients qui fait ça. Puis ça fait 2 ans que j'achète ses badges. J'en ai pas beaucoup. Goûte ça. Puis tu sais, c'était des bières locales que genre. C'est fait par un gars qui habite là c'est tout parti à cause des ouragans. Rest in peace. Ben c'est un peu ça, j'espère que c'est encore là cette place là. C'est parti dans le parce ciel parce que Chris, man, Irma me ferait chier si c'est rasé. Mais ça me fait penser à quelque chose, tu sais, la bière, peu importe où c'est brassé, il y a quelque chose qui fait un aspect qui fait en sorte que c'est bon, c'est la fraîcheur. Puis chaque place, selon l'eau qu'il y a sur place, selon la température qu'il fait, qui la brasse, va goûter unique. Puis fait que ça, là, peu importe où tu vas, là, si tu pognes une bière fraîche, c'est là qu'elle va être bonne. Puis encore là, le vieillissement de la bière va apporter d'autres choses. Mais de mon goût personnel, tu sais, Eric, il y a des choses qu'il aimait pas, on parlait de goût personnel. Moi, j'aime le côté. La bière fraîche, je trouve que c'est supérieur à la bière vieillie. Mais la question n'était pas ça. Ah ouais. Répète ta question, Don. Je veux savoir si y a, qu'est-ce que t'aimes pas. Y a-tu comme une chose que t'aimes pas? Un porter, excuse-moi. Merci, t'as bien fait tes devoirs. Il l'a vraiment écouté le show, man. Hey. C'est bon. Non, mais ça m'intéresse tout ça. Qu'est-ce que t'aimes? Il y a des choses que. Ben, par exemple, les barley wine, je vais en aimer un sur 10. Ah ouais, c'est ça. Okay. Les vins d'orge, là. Ouais. Les trucs plus foncés, Weizen, plus forts en alcool. Les Weizen, les bières blanches d'inspiration allemande, j'adore ça, puis c'est basé sur la fraîcheur, mais j'suis un gars de bière de soif. Fait que quand on tombe dans des trucs plus forts en alcool, de dégustation, on va prendre plus des petites gorgées, des trucs plus foncés. Souvent, ça va m'en prendre plus pour aimer ça. Ça me prend de quoi vraiment ça à coche. Ouais. Ça, c'est mon... Ça me fait penser un peu... Qu'est-ce que tu dis un peu aussi avec ce qu'Éric disait tantôt quand il dit « ça goûte la bière ». Ouais. Ben, en tant que gars, toi qui en vends, quand quelqu'un dit ça, t'es biaisé dans le sens que c'est quoi pour toi, la bière? Si le gars, il boit rien que de la Pabst. Non, mais c'est comme quelqu'un qui va te voir. Milter, il joue un bon jeu vidéo. Ben, là. C'est quoi un bon jeu? C'est ça, je m'en allais faire quasiment un amalgame. Ouais. Quand, dans le temps que j'étais disquaire, là, moi, j'avais tout le temps un gars qui venait me voir. T'as-tu quoi je veux bon? Du techno. C'est quoi du bon techno? Mais je trouve que ça, tu sais, puis je travaille pas en bière, mais ça te prend toujours un point de référence pour une genre de discussion comme ça. Je veux un bon film, je veux un bon jeu, je veux une bonne bière. OK. C'est quoi la dernière affaire que t'as écouté, bu ou mangé? Que t'as trippé. Exact. Hey, j'ai bu telle bière, c'est malade. Là, au moins, ça te donne un point de repère. Ouais, mais moi, je demande toujours, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'as envie de boire? Exact. Tu sais, c'est ça. Ça prend un point de repère. Ça prend un point de départ. Ouais. Parce que quand quelqu'un est trop vague, tu sais, ça revient à. Puis c'est... Moi, je veux quelque chose qui goûte la bière. Alors, on peut pas. Là, j'ai 450 sortes de bières devant moi. Il me dit, conseille-moi une bière. Je dis, okay, bon, le plus d'indices possible, tu sais, on va travailler ensemble, là. Écoute, il y a des trucs à la mode, il y a des IPA, il y a des bières sûres, des bières plus, tu sais, il y a des bières brunes légères qui vont goûter les noisettes grillées. Dans quelle direction t'as le goût d'aller, toi, à soir, là? T'as tout le temps à ça, voir. Ça, je vais me permettre, corrige-moi si je me trompe, mais ayant été sur le plancher de vente de certaines entreprises différentes, mais vous dérangez pas les gens. Quand vous cherchez des conseils de même, au contraire, vous allez égayer probablement une journée où on est dans le magasin. Puis, tu sais, le monde qui sont gênés de demander conseils, là, tu sais, hey, j'ai vu telle chose, j'aime ça, ou ben, ah, t'as-tu tel produit, ou ben, hey, j'ai déjà mangé ça, puis j'aime ça, ou à soir, j'ai prévu tel repas. Chris, pose là ta question. Là. T'as des tripeurs dans le magasin, tu sais, y a personne qui va s'offenser. Tu fais leur journée. Tu déranges pas personne. Moi, des fois, je dis aux clients, je dis, gênez-vous pas si vous avez des questions sur la bière. On est deux en ce moment dans le magasin, puis c'est dans ces moments-là qu'on se sent vivre. Ben oui, ça c'est non, mais essayez. T'as le choix d'aller voir le client puis de faire. Ben regarde, écoute, on a deux choix ensemble. Moi, j'avais dit ça à un moment donné dans ma vie professionnelle. Il y a un client qui est rentré, je dis, on a deux choix. Je reste en arrière du comptoir puis j'attends pendant 45 minutes avec un asti de malaise dans le magasin que tu choisisses quelque chose ou on jase, je te donne des recommandations, on trouve de quoi que tu vas aimer puis tu reviendras pas me voir dans une demi-heure en faisant « Je peux-tu le changer? Je ouais, n'aime mais pas. » André, ça marcherait pas à Rosemont, ça. Tu peux pas prendre deux, trois gorgées puis dire « Je vais venir l'échanger. » Non, mais pareil, mais tu peux discuter, tu peux avoir une conversation, je trouve, puis c'est con à dire, mais dans l'ère où le monde achète en ligne... Non, c'est le conseiller, monde, c'est l'affaire la plus importante. Le monde n'en profite pas là, de ça. Ah ouais. Tu sais, va d'un point de vente, là, tu t'es déplacé. Puis jaser avec le gars de bière. Ben oui! Mais ça, il y a des gens qui sont gênés. Important, là. Mais ils sont intimidés. Mais bière! Ouais. Si t'as une bonne approche en tant que conseiller, tu sais, c'est comme... Film! Man, des jeans. À un moment donné, là, Chris, c'est con à dire. J'ai un mariage avec ma blonde. Je fais tout ce que les gars vont faire, ma blonde, t'as-tu de quoi mettre au mariage? Ouais, ma robe va être noire. Ouais, rendu la veille. Calice, j'ai rien. Fait que le lendemain, j'arrive au Outlet à Mirabelle, je rentre d'une plage, je dis, il me faut un saut, c'est un mariage. Elle fait, ok, pas de panique. La robe de ta blonde, est quelle couleur? Noire. Viens avec moi. Quel genre de mariage? Dehors ou en dedans? Ok, ça, t'auras pas chaud, c'est dehors. Non. Ah, ça, là. Fait que 45 minutes après, c'est genre, je suis arrivé à la maison avec un saut. Puis c'est pas moi qui l'ai choisi, là. C'est juste la fille m'a fait comme passer un questionnaire incroyable. Est-ce que t'as dit, à ta blonde que t'as tout fait ça par toi-même? Aucunement. J'ai dit du début, c'était pour être correct, ta gueule. Aucunement, man. Puis ma blonde, elle le savait. La seule affaire, ça j'ai dit le jour du mariage, tu me réserves une plage de 3 heures où je vais quitter la maison. Tu m'appelles pas, tu me déranges pas, tu me laisses 3 heures pour moi, puis je vais revenir. Puis God bless la fille qui m'a aidé puis qui m'a conseillé. Parce que Chris, impayé pour ça, puis je suis allé là pour ça. André, je trouve ça génial ce que la fille a fait, parce que c'est l'approche que je prends depuis 4 ans. 4-5 ans maintenant que je fais ça. C'est exactement, j'appelle ça un filtre. Tu pars de rien, d'un client qui te dit donne-moi une bière, l'entonnoir, d'un client qui te dit donne-moi une bière, puis là tu poses le plus de questions possibles pour arriver à donner 3 suggestions les plus précises possibles. Par exemple, un gars il veut une IPA, ben parfait, je te conseille soit une IPA West Coast où tu vas avoir plus de résine, un petit peu plus d'amertume, soit une IPA East Coast où tu vas avoir plus de côté aromatique, et si t'es wild, une milkshake qui va avoir un arôme, des fois c'est fraise, des fois c'est vanille. Puis là la personne, on a filtré, c'est ça qu'il a envie de boire. Puis on a tout filtré, c'est ça qu'il a envie de boire. Puis là il finit par avoir juste 3 choix. Puis là il pogne ce qu'il a le plus envie parmi les 3 choix. Mmh. Et là t'as tout filtré. Puis je trouve ça génial qu'est-ce que la vendeuse a fait. Je trouve que c'est un très bon travail professionnel. Puis nous autres, en tant que newbie, on se sent à l'aise, tu sais. Ben oui. On aime ça se faire. C'est du beau service à la clientèle en général. Faut être pris en charge quand on connaît rien. Puis là t'as la fin. Après plus. Ça tu reviens, puis là tu connais ta game un petit peu. Tu connais ta game. Quand tu retournes au magasin de bière, puis tu sais, après une couple de fois. Puis ça aide à. Je veux dire, ça fidélise la clientèle. Ouais, mais c'est ça, le client, il prend confiance en toi parce que tu l'as aligné dans le bon endroit. Tu n'as pas. T'as pas, donne-moi une bonne bière. Tu n'as pas conseillé une bière sur laquelle tu as trippé toi la veille, mais lui, il ne trippera peut-être pas. Exact, tu t'assures que. Tu sais, d'un autre côté, honnêtement, là, tu sais, puis on l'a vu avec des business models, genre Toys R Us, que eux autres, une couple d'années, ils ont fait hey, c'est quoi? Amazon va vendre nos bébelles. Pourquoi? Ben, tout le monde va sur Amazon, puis finalement, ils ont créé une habitude où tout le monde est allé sur Amazon chercher leur bébelle, puis que ben, leur business model est rendu un peu désuet. Comme moi, si je trouve ça cool, le retour aux valeurs sources, où, fuck, t'as un magasin général à côté de chez vous, t'as une business à côté de chez vous, mais t'as du monde, des tripeurs. Hey, j'ai recommencé, là, c'est con à dire, je vais chez le boucher. Ben oui. T'arrives ben oui. chez le boucher, puis bon, tu veux manger quoi? La viande. Ok, mais quel genre de viande? La grosse viande épaisse. Ok, mais quel genre de... T'aimes-tu ça caoutchouteux, mou? Tu veux-tu que ça soit saignant? La grosse viande épaisse, saignante. Ok, bon, mais gars, prends ça, va chez vous, puis tu me rappelleras après. Il y a un retour vers ça de plus en plus, du moins au niveau urbain, là, tu sais. Ben oui. Pour le monde ben, en il y a une ville, qualité aussi qui vient avec. Là. Tu veux avoir une connexion avec du monde. Là, j'ai déjà sorti la prochaine bière parce que j'essaie de deviner ce que t'as fait. Tu veux nous faire monter tranquillement jusqu'à 10-11%? En fait, j'avais oublié ça. On va laisser Nostradamus essayer de deviner là, qu'est-ce que tu fais. Moi, je me suis dit que tu nous faisais passer du milkshake vers les abricots, tu sais, pour pas nous casser tout de suite avec le prochain style que j'ai eu. Non, pas du tout. J'ai mal géré mon affaire, puis je l'avais oublié celle-là parce que j'aurais pas mis vanille abricot back à back. Tu veux que je le coupe au montage? On peut prendre l'autre. Puis on finit non, mais avec Olivier, ça. Olivier, c'est toi le pro. Dis oui, je veux que tu le coupes au montage. Dis pas ça, il te bait, je le coupe. Ben, il va pas le couper. Il sait qu'il le coupera pas. Non, ça me dérange pas que tu coupes pas au montage. Non, on le sait, c'est parce qu'il l'aurait pas coupé anyway. Ben, ah bon, ben c'est. En fait, c'est parce que c'est un mauvais pli. Ok. La vie de podcasteur, ok. Tu travailles ton 50 heures semaine parce que qui travaille 30 près. Tu travailles 37.5, fuck you, tu travailles pas vraiment 37.5, là. Fait que tu travailles 50 heures. Tu travailles pas vraiment, tout court. T'arrives chez vous, pis là, tu soupes, pis ta blonde a fait, faudrait qu'on fasse du ménage. Pis là, tu fais du ménage, pis l'équipe, le moment donné, tu fais, Chris, je suis 4 épisodes en retard, faudrait que j'y monte. Fait que la vie de podcasteur, c'est que, à chaque fois que tu dis, je vais l'éditer au montage, tu le fais pas, finalement. Ben. Parce que t'oublies de le faire, pis le moment donné, tu fais comme, calice, ça fait, ouais, ça fait un mois, faudrait que je mette un épisode en ligne. Pis c'est ça que ça donne. Ben non, mais il n'y a pas de problème. Je l'assume que je l'avais oublié. On peut. Mais tu veux qu'on fasse quelle, là, ici, on a une triple aux abricots. On te souvient de. Et une stout impériale vieillie en fût de chêne à fucking 11,5%. On a vraiment aller, besoin de ça parce qu'on n'est pas chaud. Là. On va se partager le stout barriqué pour couper la vanille. Malgré que le fût de chêne a un arôme de vanille, mais qui, ou un arôme qui fait penser à la vanille. C'est avec un brin de crainte que je quitte la table pour aller aux toilettes. Je vous reviens. C'est avec tout est sous contrôle, André. Ouais, je m'en occupe. Tu c'est la pas, bière. Tu crois qu'est-ce qu'il faut, là? C'est la bière rang 8 de la microbrasserie du Lac Saint-Jean. Et je veux juste parler des labels, et étiquettes et illustrations qui sont faites par mon ami. Patrick Doyon, qui a été aux Oscars avec son court-métrage Dimanche, avec qui je suis allé à l'université. Très cool guy, et puis qui écoute mon podcast. Il... Attends une seconde, les Oscars? Ouais, Patrick Doyon, il est allé... Les Oscars à Drummondville? Il a été finaliste aux Oscars pour court-métrage, meilleur court-métrage du monde entier. Il a perdu... il a pas gagné. Il était dans quatre... Il est allé aux Oscars. Mais un rattachement, qu'est-ce qu'on est allé de boire? Ben oui, parce que c'est lui qui a fait l'étiquette. C'est lui qui fait les illustrations pour toutes les bières de microbrasserie du Lac Saint-Jean. Donc, gros mollet, tout ça, c'est tout lui qui fait ça. Donc, on reconnaît son style, man, il est pareil comme à l'université. Là. C'est tellement lui, ça, c'est magnifique. J'adore. Alors, en plus, bon, microbrasserie du Lac Saint-Jean, c'est des excellents. Ah, il y a un B12. Produits. C'est un B12, ça, un B8? De quoi tu parles? Ben ça, ici, là, c'est un B12. Ah, tu parles du skidoo, ouais, là? C'est un B12. Probablement, ouais. Effectivement. Toutes les affaires qu'on voit dans le rang 8, là, je pense. Fait que c'est quel qu'on goûte, celui-là ou l'abricot? Le stout. Commence avec le rang 8. C'est ça? Juste les... Le rang 8. Rang 8, c'est le stout. Ça va, Olivier? Ouais. Olivier, il est fait... Plus rouge. Il est fait fort, mais il savait dans quoi il s'embarquait. Mais tu te rappelais dans quoi tu t'embarquais? Oui, oui, je me rappelais dans quoi je t'embarquais. J'ai eu une bad luck, je suis tombé malade lundi. Puis, ouais, là, tu me dis très bien que tu ne peux pas trinquer. Mais je pense qu'on suis en train de m'en remettre un peu, fait que je peux pas trinquer beaucoup. Mais j'aimerais te réconforter avec le fait que tu n'as pas loin à aller avant d'aller chez vous. Oui, ça c'est vrai. Hein? Fistball. Contrairement aux dernières fois. Oh, don't leave me c'était... hanging. Oh. Yes. Yeah. Oh, je pensais que tu vas me laisser pendre. je comprenais pas. Bon. Alors, là, on est rendu à la stout. C'était une stout... du Lac Saint-Jean. D'accord. Avec moi, là, j'ai entendu une histoire d'Oscar. Ouais, c'était pas labels, pire. Hein. Ouais, Dom tu le réécouteras quand tu feras le montage. Ouais, c'est un fait. Son ami, un gars avec qui il est allé à l'université a dessiné les étiquettes sur les bouteilles. Oh, wow. Puis il est allé d'ailleurs aux Oscars. Il était nominé aux Oscars. Il était nominé pour un court-métrage. Il a perdu. Fait que la première affaire que je peux voir, c'est que c'est vraiment une stout complètement ambrée. C'est un stout impérial. Fait que à ce moment-là, on a quelque chose de... les stouts impériales, c'est très... C'est plus fort. C'est-tu comme la russe impériale de Saint-Ambroise, un peu? Oui, là? Tout à fait. Ah, attends, je vais mettre ça pour mes deux. Oui. On dirait du sirop. C'est bon. J'adore la texture que tu vois. J'aime le collet, en plus. Hein. Ouais. C'est-tu ça? C'est un collet, les bulles, c'est ça? Tout à fait. Ah, oh, merci beaucoup. Que on recommande de verser les bières comme ça. Toutes les bières ou... Ouais. Toutes les bières, dans le fond, tu mets le verre à plat puis tu vides dans le milieu. Ouais. Ah, et, okay, tu gères le rythme selon l'effervescence de la bière. J'ai toujours pensé plus qu'il fallait incliner. Moins tu vas aller vite. Exactement. Okay. Toujours pensé qu'il fallait incliner. Moi, tu vois, je suis de la vieille école où il m'avait dit tu comptes le verre. Ben, c'est ça. Ben, tu pours. Pis... Ouais, puis la nouvelle approche qui, en fait. C'est un affaire de base, ça, je pense. Hein. C'est sûr que ça va plus vite quand tu penches le verre. Ben, pas rien que ça pour le tu sais, il n'y a pas un collet de 4 pouces là, qui se forme. Là. Ça dépend où est-ce que t'es. Si tu vas en Allemagne ou en République tchèque, tu n'as pas un collet de 4 pouces, la personne va être offusquée, alors qu'ici, c'est le contraire. Ouais. C'est un collet de 4 pouces, la personne va être offusquée parce qu'il n'y a pas assez de bière. Moi, il y a des bartenders, je leur dis, vas-y, fais-y un collet, puis ils sont tous mal à l'aise. Ils sont pas habitués. C'est vraiment une différence. Je tiens juste à dire que j'ai triché pour la première fois de la soirée. C'est fucking bon. Ah oui. Excuse-moi, mais... Ah oui, ça, c'est... Les stouts, d'habitude, sont très épaisses et pesantes. Je sais pas pourquoi Dom m'a mis ça dans la tête, mais ça reflète très bien le goût. Une bière pesante, une bière épaisse, une bière, tu sais, comme fucking opaque, là. Puis celle-là, on dirait... Je m'attendais pas à ça d'une stout. Un plus... C'est comme si je buvais un verre de coke. C'est con à dire, là, mais okay. Je la trouve super goûteuse, mais elle s'évapore rapidement. C'est... c'est ce que j'aime dans ce genre de stout là. Puis c'est rare. Très bonne. Ouais, puis c'est rare au Québec que j'aime des stouts impériales. C'est mes goûts personnels. Puis j'en ai bu un en Floride qui était génial. C'est que on va avoir. Je trouve que dans la torréfaction, il y a un petit côté de fruits confits. Torréfaction, fait quand on compare la Imperial Stout à du café, on est dans le même ballgame. Absolument. Parce que c'est le même procédé. Le café a été torréfié, le malt a été torréfié. C'est fou. C'est... Chocolat aussi, même chose. Oh. La fève de cacao a été fermentée et torréfiée. L'orge a été fermentée et torréfiée. Fait que on a le côté chocolat noir, espresso, on est là. Puis même dans la torréfaction, je trouve que dans la gorgée, en milieu de gorgée, à un moment donné, il y a un petit côté de. Il y a un petit fruit, un raisin, pas de la figue. Je sais pas, il y a un petit côté, peut-être raisin. Non, excusez. Mais en fait, je m'en allais être en accord. Ah, ben peut-être. Ça dépend des goûts, de... hein. Non, mais parce que. C'est quelque chose qui arrive souvent, ça, quand t'as testé la bière avec du monde ou ce que t'es comme en train de décrire plein de choses que tu ressens. Puis après ça, quelqu'un dit non, puis là, t'es comme. Je voulais dire des raisins. Ça arrive-tu des fois, ça? Au lieu de la figue. Oui. Ben, oui. C'est bien rare, normalement. Parce que moi, je trouve que c'est figue. Figue, mais... tu le nails. Pour moi, là, je goûte figue tout de suite, puis je suis un fan de figue. Ouais, mais c'est petit Newton, fruit. Là, moi, les voir coller ensemble, c'est la part la plus incroyable au monde. Oui, c'est bon. Puis, moi, je trouve que ça sent le chocolat. La barrique de chêne apporte un. Non, la barrique de chêne, ça l'entoure le tout. Ouais. Parce que la minute que. N'importe quoi qui vieillit dans du chêne, je trouve que ça l'apporte. Mais ça, c'est tellement fou. Là, à tout. Là. Ouais. Moi, la bière dans le chêne, du vin dans le chêne. Christy, as-tu de la vodka dans le chêne? De l'eau de Javel. Il y a de la tequila dans le chêne. Ah, de la vodka, je sais pas. Y a-tu, avec l'effervescence, deux épisodes en deux que je le plug. Mais non, mais avec, comme la grosse mode des scotch et des affaires de même, ça doit avoir une influence sur la bière aussi, j'imagine, où le monde commence à boire beaucoup du single malt, le 12 ans qui est menacé parce que les ventes spike de 50% puis il y a pas assez de single malt vieilli. Fait que les prix augmentent, le kit. Tu sais, là, tu parles des fûts de chêne, justement, pour de la bière, j'imagine, doit avoir une grosse influence. Là, Les fûts de scotch, les fûts de whisky, ils coûtent de plus en plus cher. Ça me surprendrait pas. Normalement, eux autres, ils utilisent beaucoup des fûts de Jack Daniels. Beaucoup de monde utilise beaucoup de fûts de Jack Daniels, mais les fûts de whisky coûtent de plus en plus cher. C'est pas pour rien que cette bière-là est presque 12$ en retail. La bière, 500 ml. Tu dis presque, mais c'est 11,69$. Ouais. Plus c'est presque, il y a 40 12. Ouais. Mais c'est le même prix, ça me fait penser à la Imperial Stout de Saint-Ambroise, celle qui vend, c'est juste une bouteille de 350 ml. Qui est vieillie en fût de Bourbon, qui est probablement un fût de Jack Daniels aussi. Puis faudrait qu'il fasse une bière avec un fût de Bullet. C'est quoi? Le Bullet, c'est un Bullet, bourbon qui me fait capoter, bon qui est un bon bourbon. Puis s'il se regarde de prendre les fûts de Bullet puis faire infuser de la bière dedans, là, encore ça, mais il y en a peut-être, pause, mais ils n'ont pas le droit de dire c'est quoi l'alcool précis. OK, fait qu'elle ne vient pas d'un fût de Jack Daniels. Ben, il pourrait pas le dire, mais tu sais, comme la Gros Mollet vient un fût de Jack Daniels, ils peuvent pas dire que c'est du Jack Daniels, mais elle s'appelle la Lumberjack. Ok, ouais, ok. Sinon, ils peuvent dire c'est un fût de whisky, c'est un fût de Calvados. Mais tu sais, il y a des fûts de. Tu sais, la nouvelle de Trou du Diable qui est vraiment géniale, je la conseille à tout le monde, la Saint-Maurice, c'est vieilli en fût de. Eux autres, ils le disent par exemple. C'est vieilli en foudre de Brunello, qui est un vin rouge italien. Puis ça goûte pas le vin rouge italien. Peut-être qu'il y a un marketing, une association aussi. Ouais, peut-être, parce qu'habituellement, les fûts de whisky, ils disent jamais la marque. Ils doivent avoir quelque chose. Ah, mais le whisky, c'est tellement, je trouve, tu sais, autant que j'ai commencé à boire des scotch, des whisky, des bourbons, à faire de même. Puis déjà, j'étais comme, bon, ben, le vin, t'oublies ça, t'as aucune fucking knowledge de vin, puis tu vas juste avoir l'air d'un clown. La bière, j'ai fait, ouais, c'est rough, puis là, je me suis frappé le nez sur la porte du whisky, puis j'ai fait, non. Fait que, il y a comme tellement de knowledge derrière ça, là. C'est fou, là, tu sais. Tout ce qui est scotch, bourbon, tout le kit. Mais je vois qu'il y a une croisée des chemins beaucoup entre la bière et ça. Dans ce que j'ai vu récemment, tu sais, ils ont fait faire un bourbon dans tel casque, tout le kit. Puis là, après ça, bon, ben, ils ont fait une stout infusée de telle affaire dans le même casque. Ils viennent croiser les procédés, ils ont même... les sciences, les, si on peut dire. Ils ont même mené, c'est ça, ils avaient pris un baril de whisky pour mettre un stout, puis après ça, ils ont réutilisé le baril pour remettre du whisky. Puis là, le whisky est commercialisé de même. Puis après ça, ils font brûler l'intérieur du baril. Ils font toujours brûler l'intérieur du baril pour l'aseptiser, puis c'est ça qui donne... Ouais. Quand le baril est fini, ils le mettent en copeau, puis là, tu fais du Chris de beau barbecue avec ça. C'est ça, t'as des chips. Là, tu fais faire un poulet là-dessus. Le meilleur bière au monde. Un coq laurentien sur... Ah, ça finit plus, mais... Mais tu sais, un des personnages qui a le plus fait pour la bière, dans il y a, on peut voir ses capsules sur YouTube de Beer Hunter, c'est Michael Jackson, là, pas le chanteur. Pas là, le mais... pédophile. Oh! Excusez, excusez. Quelle preuve, toi! Il était mal compris, il aimait ça être un enfant et donner des caresses. C'est un saint. J'aime dire le chanteur, mais... Le Michael Jackson a fait beaucoup pour la bière, puis c'est un spécialiste de whisky et de bière. Là, on parle pas du chanteur. On parle pas du chanteur, bon. Non. C'était c'est Michael Jackson, c'est pas lui dans l'annonce de Dove récemment, là, où il se lave puis devient blanc? Je ne crois pas, mais il est décédé en 2009, je crois. Raison de plus Michael d'être Jackson, dans l'annonce mais... Dove. Il a tout classifié les bières. Il y a une petite perte d'attention, mais... Je suis pas capable de pas me sortir. Ouais. J'imagine Michael Jackson qui classe les bières. T'es tellement poli, Olivier. Il a tout classifié les bières. Il en a fait beaucoup. Il a une bière de 12%. Puis il a fait les... Il était un spécialiste du whisky et de la bière. Fait que c'est sûr qu'il y a un lien... Moi aussi, je suis spécialiste de whisky et de bière. Ça, je sais. C'est Bullet et Bud. Mais honnêtement, c'est une affaire que j'ai commencé à goûter beaucoup. Tout ce qui est le whisky, puis les affaires la même, puis le Bullet, c'est comme ma go-to bottle. T'as du monde qui vont prêcher beaucoup pour le Jim Beam, puis les affaires la même. C'est bon, un Jim Beam. Mais sais-tu lequel que j'aime? Je suis un gros fan de Bourbon, puis mais surtout de Bourbon. C'est le... Mais voyons, j'ai en train de finir ma bouteille chez nous, là... Ben là, je finis ça tranquillement, mais ben voyons. Pourquoi je m'en souviens plus? Elle est tellement bonne, tu t'en souviens plus. Ben c'est souvent ça. Tu veux nommer de quoi, puis t'es comme fuck! Honnêtement, là, moi, il faut que je sois en avant de mon petit meuble avec mes bouteilles, puis là, je vais faire comme ok, ça c'est vrai, ça c'est malade. La noire, non, la bleue. Mais je trouve que c'est bon, tu sais, souvent, puis il y a comme une relation un peu incestueuse entre le bourbon, le scotch et la bière. Souvent avec Chris, quand on sortait, puis on le fait une fois de temps en temps, mais tu sais, c'est tout le temps, donne-moi un bullet, puis une pinte de bière X. Ouais. Le Knob Creek, excusez, j'ai demandé. Ben oui, le Knob Creek, je suis un fan fini, il est bien simple, mais il y a un petit sucre résiduel, il y a un arôme de caramel. En old fashion, le Knob Creek, là, il est... J'aime c'est pas les débile. Old fashion. Ah, oh, man. C'est comme le old fashion, pour moi, c'est comme la sour des drinks. Ben, c'est, oui. Ben, premièrement, le old fashion, là, il y a un d'un, j'haïs de le commander parce qu'on dirait que le monde au bord sont tellement. Ils roulent les yeux quand tu commandes un old fashion. Parce que ça, comme sacrament, faut que je travaille. Non, mais il y a des bars que tu peux commander un old fashion, puis il y a des bars que tu peux pas commander un old fashion parce que. Tu vas avoir une pleure d'orange dans un verre avec un verre d'eau sale. Mais non, ben. Il y en a un bon old fashion. Mais c'est ça, mais ça dépend du barman. Ça dépend qui travaille. Là, honnêtement, là, il y a beaucoup d'endroits où tu peux en commander. Mais le old fashion, le fuck, c'est qu'il est pas bon partout. Une des places que j'ai resté surpris à Montréal, le Moxie's, qui est genre un esti d'affaires ultra générique, toute la kit. La fille m'a fait un des meilleurs old fashion que j'ai bu en ville. Ah ouais? J'étais vraiment surpris là-bas. Le n'importe quel drink, les deux succursales du lab. Ah ouais, le lab, c'est en business. Autres, ouais, ça, c'est de la mixologie de haut niveau. Là, mais sauf que ton drink te coûte 7,50 et t'es comme. Exactement. J'ai deux onces. C'est de la science. Mais il est bon. Ouais, les glaces rondes. Je me suis acheté un moule. J'ai acheté un moule sur eBay. C'est l'étoile de la mort dans Star Wars. Puis ça fait des glaces rondes. Nice. Fait que là, le monde arrive chez nous, c'est Star Wars. Non. C'est de la mixologie. Fait que dans le fond, c'est un peu comme prendre un drink au nouveau Nexus. Il y a un autre Nexus? Non, le Teddy Bar, là, c'est pas le gars qui est en charge. Attends, t'as dit Teddy Bar ou Teddy Bar? Teddy Bar. C'est parce que Teddy Bar, il est plus loyal. C'est un de mes amis d'enfance qui a parti le Teddy Bar. Ah ouais? Ouais, mais c'est le mixologue, là. Ben, il est sûrement associé avec le mixologue, là. Christopoulos, là. Ça doit pas être le mixologue, mon ami. Fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est Fouad Akli. OK. Parce que je vais toujours me rappeler, André est allé au Nexus une fois, puis il est comme, dude, les drinks sont malades. Ouais. Là, je suis comme, mais c'est parce qu'ils ont l'école de la mixologie juste en haut. Puis ils étaient vraiment passionnés pour les drinks, eux autres. Fait que, ouais, mais ça m'a fait chier quand ça a fermé, cette place-là, parce que... j'allais pas là pour les... Non, il est encore là, le Teddy Bear. Ben, c'est... Bon, ben au pire, j'y retournerai un moment donné, mais... Ben, l'aspect drink était resté, fou, là. Il est resté. Ah, mais ça, c'est malade. Jeu, parce que t'as Carlos qui est rendu au Escondite, je pense, puis lui, il était fucking bon là-bas, man. Lui, il faisait des Christy de bon drink, man. Ben, c'est pas allé au quatrième mur, qui est juste à côté, dans aussi. Le fond, qui est une place incroyable... Next beer. Non, mais il y a une esti de culture en ville, vrai, de bière, on est de drink. On le voit tout le temps. Ben, moi, je suis allé une fois. Non, ils connaissent là. Si je peux me permettre un retour à la thématique. Certainement. Dom, il est en pointe. La raison pour laquelle j'ai amené un stout impérial barriqué, c'est parce que c'était déjà à mode dans le temps et se l'est encore plus maintenant. Fait que c'était un peu intemporel, une stout, en réalité. C'est un peu le genre de bière qui... Ben, c'est surtout... Tu sais, c'est bien fort aux États-Unis, puis on est influencé, pas juste un peu, là, on est influencé énormément par ce qui se passe aux États-Unis. Puis c'est très, très bon. Quand c'est bien fait, c'est pas tout le monde qui font bien ça, le vieillissement en barrique. Tu sais, faut se le dire, là. Puis ça, c'est bien fait. C'est le fun, sauf que c'est haut en couleur, hein. Tu bois ça tranquillement. Ouais, pas comme Eric tantôt qui a calé son verre. Non, c'est pas vrai. Ah non, moi, des bières fortes comme ça. Ouais. Gros verre, j'en ai coulé d'autres à Dom. Dom, il est comme, j'ai des enfants, puis j'ai plein de choses à faire demain. J'étais comme, ok, je vais t'en prendre un peu. Bon, fait que la dernière, on a survécu. T'as survécu, Olivier. T'as survécu. C'est correct, on est à l'aise avec les participes passés non complétés. Merci. ou le français de l'Ontario. Avec moi, t'es mieux de t'habituer. Moi, je le corrigeais dans saison 1, puis j'ai arrêté à saison 2. saison 2? Moi, je le corrige sur Facebook parce qu'il pose pour Arcane Montréal, mais finalement, j'arrête de le corriger. Ah, Chris. C'est ça qui fait son personnage. J'ai cancellé le projet, moi, avec. Les autres avec, on fait ça. Oh mon dieu. Le monde, ils savent. Ah, c'est Eric qui a écrit ce post-là. Fait que là, tu dis, t'as amené une stout parce que c'est intemporel. Ben, surtout, vieillir en barrique. C'était surtout ça, le point, l'importance, c'était qu'elle était vieillie en barrique de chêne. Parce que c'est super à... On parle toujours de la rang 8. Ouais, c'est ouais. Ça, parce que c'est... C'est un 12$ bien investi. Solide. Tu bois ça après un mardi très tough à job. 1$ par pourcent. Ouais, excuse. Excuse, Olivier, je vais juste dire que c'était bon. Oui, ben c'est ça. Très c'est bon ça, en gros, c'est que c'est super bon. C'est encore plus à la mode qu'il y a 4 ans. Puis c'est resté, c'est très fort encore, ce mode-là. Puis là, l'hiver s'en vient, fait qu'on les brasseries vont nous en sortir plein. C'est à nous autres d'y goûter, voir lesquels on aime le plus. La Genèse. Moi, la Genèse, ça a été, ils l'ont sorti l'année passée, c'est le Momentum, c'est-à-dire Dieu du ciel, a une bière par mois. Puis le Momentum du mois de septembre, l'année passée, ils nous ont sorti la Genèse, une tripelle, c'est-à-dire une bière blonde, forte en alcool, de style belge. Le meilleur exemple qu'on a depuis des années, c'est la fin du monde. Ouais. Okay. C'est quoi, qu'est-ce qui fait que c'est double ou triple? C'est d'inspiration monastique ou d'abbaye, si tu veux. Là. Les moines, ils mettaient le double, le triple ou le quadruple des céréales, des matières premières, des cuves pour brasser, okay. Pour sauver sur les taxes, apparemment. Et comme Netflix. Puis, c'est un excellent parallèle c'est contemporain, ça, Milter. Puis, donc c'est ça, ils mettaient le double, le triple des céréales, brasser des bières plus fortes, puis plus la bière était forte, plus elle s'adressait aux moines qui avaient le rang le plus élevé dans l'abbaye. Wow. Donc nous on retrouve des bières qui sont inspirées de ça. Et là, la raison pour laquelle j'ai apporté elle, ben premièrement, ça a été un énorme coup de cœur parce qu'ils ont fait une une triple bien sèche. Puis aussi pour montrer la mode des bières aux fruits bien faites. Ouais. Les bières aux fruits sont très à la mode, puis il y a beaucoup de monde qui ont peur de ça. Parce qu'ils ont l'impression que ça va être sucré. Mais non, c'est pas sucré. C'est jamais sucré, en fait. Si c'est sucré, c'est que c'est mal fait ou que c'est cheap. Hein? Ben, des fois, ça peut être voulu, mais c'est rare. Normalement, c'est sèche. Puis t'as l'arôme du fruit. Ouais. Et alors là, moi, ça a été un coup de cœur. En septembre passé, quand c'est sorti, je suis arrivé chez nous, je me suis coulé ça sur mon balcon. Je m'attendais à rien, j'ai pris une gorgée. Mais premièrement, juste en voyant la couleur, moi, j'ai trippé. On a une espèce de jaune opaque qu'on voit pas à travers. J'avoue, je vois même pas mon doigt. Genre de c'est limonade. Puis au nez, c'est hallucinant. Bon. Faut t'avoir par la bouche, Joe. Puis au nez, on veut dire la sentir, pas la sniffer. Oh, juste la sentir, ça me fait penser un petit peu à la... C'est quoi la blanche là, c'est qui fait la vache folle là, Dominuscus là? La blanche Dominus, ouais. La première bière de l'épisode 18. La Dominus Vobiscum. Au nez, ça sent comme ça là, c'est ça l'affaire. Ouais, puis tu nous l'avais fait goûter hein, ouais. Me semble. C'était la première bière de l'épisode 18, ouais. Puis et là on a une tripelle qui est sèche. Je suis pas prêt à dire crisp, mais elle est sèche. Puis elle est faite avec des abricots, tu sais, probablement des abricots séchés, mais les abricots séchés que les brasseurs utilisent, c'est pas des abricots séchés tout gélatineux qu'on trouve. C'est pas du bon burn. Non, c'est ça. Là. Exactement. Ça va être des abricots plutôt déshydratés exprès pour les brasseurs qui restent toute l'arôme et ça donne des résultats super parce que moi les abricots, tu sais, tout gélatineux, j'en ai fait un écœurantite. Puis on ça, a tous c'est... fait les muffins avec les abricots des gélatineux puis. Ouais, on a tous fait ça. Des lunchs grano quand t'es étudiant là, avec des noix là, puis on dirait c'est dans pour un ça pot que... maçon là. Ouais c'est ça, c'est pour ça que je suis plus capable de manger des noix des abricots. Non, pas du tout. C'est-tu meilleur que la mécasse nos abricots? Ah, calice, oui. De mon avis, de loin. En passant, Saint-Ambroise. Saint-Ambroise, excusez-moi. Puis... Non, mais il y a la mécassine aux abricots aussi. Mais c'est pas la Saint-Ambroise. Ben oui. Hey! Attends. L'étiquette est différente, calice. Mécassine, ben corrige-moi, j'ai tort, Olivier, mais mécassine, c'est Saint-Ambroise, non? Oui. Ouais, c'est ça. C'est la même affaire. La même affaire. Ouais, c'est ça. Okay. Puis la mécassine abricot est. Je la trouve comme une des meilleures bières qui existent. Ben, moi, celle-là, fois, je l'achète rien que pour me désaltérer après autre chose. Ouais, je finis avec ça. Ah non, moi, j'aime altérer à un abricot, retourner à un IPA, ma routine, c'est que je starte finir avec scotch. IPA quelconque, puis après ça, j'ai besoin d'autre chose, là, parce que je peux pas être à IPA toute la soirée. Ah, c'est bon. Je sais pas. Soit ça ou la buteuse. Ouais, ça c'est un autre. La buteuse, j'ai lâché. Ça c'est une catégorie à part. Les triples belges. La buteuse, c'est une triple. Ça, c'est une triple. Aux abricots. Ouais. Ouais. Ouais, la buteuse, c'est une triple toute. Genre de trappiste. Si t'en bois trop, tu finis en triple à trois avec trop de sexe qui te ressemble à toi. Ou tu finis dans le métro pendant Montréal en lumière. Puis... Ça, c'était à ta fête. Puis. Coupe ça là. Ah, c'est-tu que c'était beau ça? Non. C'était beau quand t'étais de l'autre bord de la traque de métro. Alors, mon tour de prendre contrôle. Moi, j'aime le fait qu'il prend le pop filter pour parler dedans. Merci. Hey, I got you, André. I got you, man. Je le bouge pis tout, man. Ouais. I got you. Non, mais. Je suis là, j'ai un pro ici avec moi en plus. Là. Il crash that shit pis il sait qu'est-ce qui se passe. Olivier. Allô? Comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien. À date, est-ce que tu penses que tu nous as appris quelque chose? Ça serait à vous de... En fait, fais-nous donc un quiz sur ce que tu nous as mentionné cette fois. Non, mais sans joke, check ça. C'est le temps parfait pour qu'il challenge nos connaissances. Éric est blasté, man. OK, fait Éric répond plus, pas. En plus, mais... je bois la rang 8 de Dom, puis j'ai bu beaucoup trop de la rang 8, mais c'était très bon investissement de 12$. J'aimerais, de un, avant qu'on fait le quiz, j'aimerais remercier Olivier pour sa patience et sa compréhension. Il est habitué. Tu vois qu'elle s'essouffle. Puis, c'est ça. Mais, aussi, ça me rend très heureux de savoir que t'es proche de chez vous, Olivier. Fait que merci de nous endurer. Quiz away. En fait, je veux juste faire un piggyback avant ça, 30 secondes. Un petit chin? T'avais le dos, t'avais le verre levé, ouais. J'étais pas sûr, là. 4 ans plus tard, on est encore en train de faire des shows. 5 ans, mais lui, cinq ans, mais un peu. Non, mais à soir, c'est 4 ans. Nous autres, notre 100e, ça va être un 5e aussi. Là. Honnêtement, c'est vraiment cool que tu sois avec nous autres. C'est vraiment cool que tu aies passé la soirée avec nous autres à nous endurer puis à avoir une grosse patience incroyable, une rigueur incroyable. Mais je veux lever mon verre parce que ça fait 5 ans qu'aux 2 semaines, j'ai une soirée... À peu près. Des fois, c'est aux 3 semaines. Des fois, c'est au mois, mais on le dira pas. Dom peut relate un peu aussi. On a des soirées de boys. On a des soirées où on a du fun. Puis on a des soirées où on découvre des choses à chaque fois, qu'on apprend un paquet de stock, qu'on jase, qu'on déblatère. Puis je traderais pas ça pour rien au monde. Puis je suis content de partager ce moment-là avec vous autres. Puis je suis content que tu sois avec nous autres, Olivier, parce que c'était un de mes shows préférés. Au début, en plus. Puis t'étais là au début, puis tu t'es souvenu de nous autres, puis t'es revenu pareil, malgré le supplice qu'on t'a fait vivre là, l'épisode 18. Tu le revis au 99. Fait que, guys, hey, un petit, ouais. Un gros merci. Shout-out à tout le monde. Crash. Thanks, Dom, d'avoir crashé. Ben, c'est cool que tu sois avec nous autres. Shout-out à mon beau-frère qui a crashé aussi, mais qui dit shout-out. Il dit rien. Il est bien tranquille dans le coin. Il est comme, c'est ce qui se passe, cette connerie. Il savait qu'il y a de la bière qui se passait. Il va boire un peu. Là, en passant, il m'a apporté une Tankenstein IPA de la Mill Street. Ah, c'est-tu que c'est bon, ça? J'ai hâte de goûter ça tantôt. Fait que je souhaite qu'on aille 5 autres années. Bien rempli d'événements comme ça. Au moins 5 épisodes. Qu'on se rende au moins à saison 1, épisode 105. Un petit recul, parce que c'est quand même le 99e, un petit recul, on célébrait 20 épisodes, 2 épisodes après lui. Ouais. On n'en revenait pas qu'on était rendu à 20, puis on est rendu à 100. Puis on n'en revenait pas qu'il y avait des downloads surtout. Fait que merci aux auditeurs. Aussi un gros shout-out. J'aimerais faire un gros shout-out aussi à Chuck de son podcast qui a pu célébrer 500 en faisant... Combien d'épisodes qu'il a fait quand il a fait 500. Son... Toi, combien je te coupe au montage, pour vrai. Combien d'épisodes qu'il a fait quand il a fait son 500? Non, 500, son 100, c'est son centième. Shout out. Centième Rex, 500e épisode. À le petit bonheur pour leur centième, a.k.a. Centième Rex. Centième. moi, là, je vais juste couper un bout. Je vais repartir au bout de tout ce que Dom, il fait. Tabarnak. Mais c'est-tu le temps d'annoncer à Olivier qu'on a notre nouveau podcast de bière collectif qu'on va enregistrer dans son commerce à partir de la semaine prochaine? Hey, moi, j'aimerais ça. Mais Olivier, écoutes-tu d'autres... connais-tu le podcast Les Péteux de Brou? Ben oui, avec Simon, man. Ben oui. J'ai entendu parler. C'est intéressant. C'est très intéressant. Et puis, avec qui? Simon Deca. Qui m'a parlé de Decoste, mais il m'a parlé de Simon quelque chose Decoste. C'est deux autres sidekicks. Là, c'est ça. Moi, c'est Simon, je connais. Ils sont trois, mais Simon, il a pas été là dernièrement pendant 5 épisodes. Mais là, il est revenu. Puis là, ils font du live aussi. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de podcasts de bière. Ben, non. C'est le seul que je connais. Simon Pascal. Je sais qu'il y avait Decoste. Le Bière et Plaisir. Pascal Decoste. Il semble qu'il y a le Bière et Plaisir qui font un podcast. Ça se peut. Moi, j'écoute juste les Pâteux de Brou dans le game. Moi, avec, j'écoute juste ça parce que la livraison est. Elle est spontanée, mais ouais. Elle est quand même informative. Et puis, c'est joyeux. T'sais. Moi, l'information, c'est très intéressant, mais quand c'est livré de façon avec bonne humeur, c'est très agréable. C'est le fun. En tout cas, je voulais juste Simon, il est super cool. Puis, si on veut faire un podcast dans ton beau commerce, expérience bière, on peut. Il y a déjà un nom. Moi, ça me ferait plaisir si c'est. Je veux dire, c'est faisable. Si on paye ce qu'on boit. Après le rec, Dom, il y a plein de questions pour toi. Je suis venu ici. Si on maintient ça à une heure top chrono avec une table. Non, mais tu sais, si. Non, absolument. C'est faisable selon les heures d'ouverture ou etc. Là, avec plaisir. Ah, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir ton magasin, sérieux. Je savais pas que ça existait. D'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, Dominique, j'en parlais aujourd'hui avec mes collègues au magasin. On se demandait comment ça t'es pas encore venu. Ben, j'ai pas eu le temps, mais c'est ça, ben... En fait, aujourd'hui, dans un chat Facebook, parce qu'on fait ça dans Facebook, on parle dans des conversations privées, des fois. Ouais. J'ai dit à Dom, il faudrait qu'on y aille ensemble bientôt. Ouais, c'est ça. Mais moi, en fait, l'affaire qui se passe, c'est que j'ai pas la voiture souvent, puis je travaille de la maison. Fait que des fois, mettons, je vois. Je pense que j'ai même dit à Dom, je pense que c'est aussi loin que le Piluso et le biérologue de chez vous. C'est à peu près la même affaire. Ben écoute, c'est ça. Moi, je suis à pied là, la semaine de jour. Mais des fois, je fais des hit and run quand ça donne que j'ai l'auto. Mais la fin de semaine. En tout cas, je prends de l'avance. T'sais. J'achète du stock d'avance, puis après ça, je le garde chez nous, puis je le bois plus tard. Oui, ben les parcomètres sont pas chers, puis sont souvent libres. Oui. Sinon, en transport. Ça me parle, en parce que dans. Oui, c'est. Ville-Marie. J'habite en fait dans Ville-Marie, rue. Ça wreck. Tu veux vraiment dire ça pendant un rec? Je vais pas dire mon adresse, mais j'habite pas loin d'ici. T'as du monde qui va être comme la grise, la grise. Centre-Sud. Puis je suis pas loin, en fait. OK. Puis en plus, mon bar Arcade Montréal, il est comme. On n'est pas loin, hein? On est juste à côté. En parlant de ma maison, puis Arcade Montréal. Il y a des choses à te parler de sur ça aussi. On va garder ça pour Aaron, guys. Oh, des secrets, des secrets. Bon, moi, je vois que ça dérape. Mais là, on n'a pas beaucoup parlé de la genèse, là, encore. Bien pour finir, tout le monde a fini. Finissons sur la genèse. Moi, je la trouve délicieuse. La genèse a été un méga coup de cœur. Là, je trouve que les saveurs d'abricot dominent. Quand on la boit back-à-back avec un stout impérial. Oui. Barriqué. On fait est que, ça nous explose en bouche. Ouais, normalement, c'est plus équilibré que ça. Mais ça a été un gros coup de cœur. Je voulais l'apporter parce que ça démontre la mode des bières aux fruits. La Disco Soleil, t'en as parlé, Eric, tantôt. La Disco Soleil a été avant-gardiste parce que la mode des IPA aux fruits est arrivée il y a un an ou deux. Mais Dieu du ciel, sont des... C'est pas pour rien qu'ils ont été nommés souvent meilleure microbrasserie au Canada. Puis tu vois, ailleurs dans le monde, ils sont là. You guys have Dieu du ciel. Non, mais pense-y deux secondes en plus. Prends un peu de recul, là. Quand tu y penses profondément à Dieu du ciel, tu repenses à leur approche, tu te dis, j'aurais jamais cru que quelque chose de bon sorte de Saint-Jérôme. Ben, en effet, c'est ça. C'est vrai, le gay mix. Le gay mix. C'est sorti de Montréal. C'est sorti de Montréal, en fait. Oui, c'était là, je sais. Hein? Je sais. Bon, ben, ça, oui, c'est parce qu'il y a le bord du ciel. La réputation de Saint-Jérôme perdue. Est-ce qu'on a 5 minutes? Est-ce qu'on a 5 minutes? Ah oui. On te doit 5 minutes. Ouais. un petit 5 minutes pour un historique sur Dieu du ciel. Sur ça, je prends une bière de la Genèse. Jean-François Gravel a parti Dieu du ciel en 98. Laurier Clark, là, le bar, la brasserie artisanale qu'on connaît à Montréal. Ouais. Puis ensuite de ça, il y a Luc, son nom de famille m'échappe, mais Luc, un ancien de Boréal qui a vu ça puis qui a apporté la dimension un peu plus commerciale. Arrêtez-moi, quelqu'un corrigez-moi si je me trompe de Dieu du ciel, il me semble que c'est ça l'historique exact, là, mais qui a parti ça dans l'ancien. Dans le futur personne des commentaires. C'est ça, dans les commentaires, etc. Le prix, genre, corrigez-moi ça. Il y a un gars vraiment offusqué de Sorel qui va laisser un commentaire à quelque part, ouais, on le verra pas. Ça risque d'être correct. Il a pris le traversier, man, pour aller écrire ce commentaire-là. Puis, ils ont parti, Luc de Boréal a apporté la dimension plus commerciale dans l'ancien IGA à Saint-Jérôme. Puis c'est là que l'embouteillage a commencé. Mais l'idée principale, le génie, tout ça, vient Montréal, ça enlève rien à Saint-Jérôme. C'est une ville bien correcte. Je suis bien d'accord avec toi. Mais ça enlève rien, mais ça vient de. Puis Luc. Mais c'est quand même non, mais c'est une histoire. C'est une histoire intéressante. C'est pour ça que je voulais la compter. Luc, après cette aventure-là, il a eu envie de pousser plus loin. Puis c'est lui qui a parti la microbrasserie des Beauprés à Saint-Anne, si je me souviens bien. Et là, je vous ai un peu perdu, mais. Saint-Anne-de-Beaupré. Saint-Anne-de-Beaupré, et voilà. Puis la microbrasserie des Beauprés. Puis c'est. Non. Dans la région de Québec. Et c'est une excellente microbrasserie. Alors, tout ce cheminement-là a amené Luc là-bas et Dieu du ciel à où on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire malade, riche en tabarnak. Ben, et avec une réputation mondiale, exact. Une bière de qualité. Riche en réputation. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est ça. Mais c'est pourquoi est-ce qu'encore le format petite bouteille de bière brune au kiff, tu sais? C'est réconfortant. D'ailleurs, on avait dit qu'on allait en parler. La bouteille, puis la bouteille versus la canette. Parce que là, il faut boire, Eddie Topper nous le dit, il faut boire direct à la canette. Parce que sinon, tu perds là, les arômes. Puis tu mais c'est qui est plus crédible, Eddie Topper ou Michael Jackson? Sûrement que Michael Jackson dirait la même chose de boire direct en canette, okay, sérieux. C'est bon. Mais aussi, c'est moins cher, c'est recyclable. Et puis, c'est moins lourd dans les camions de livraison. Tu peux en livrer pas mal plus qu'en bouteille. Donc, ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. J'ai tout lu ça dans les posts de Vox Populi en passant. Fait que... La bouteille reste encore plus écologique que la canette, si je me trompe pas. Ah oui? Ouais, parce qu'il y a une réutilisation. Puis la réutiliser. Ben, il y a une la bouteille, ils font juste en la fait, nettoyer. La fond, moi, je parle des petites bouteilles fancy, là, comme la Vrouden ici, ou ben, les grosses bouteilles longues là, de Trou du Diable, ou ben, même Jukebox, puis toute la gang de, qui sont distribuées par Transbrew. T'sais, c'est toutes des bouteilles à format unique, là, si je peux dire. Ça me semble pas très écologique. Ben, il y a une réutilisation, comme je dis, la brasserie va... Parce que moi, personne ne les reprend, fait que je les mets au recyclage. Tu sais, je vais pas retourner au magasin de bière spécialisé avec ma bière. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Ben, je sais, mais c'est compliqué, là, parce que je suis pas là à toutes les semaines. C'est vrai que c'est faut que j'accumule ça chez nous pendant 2-3 semaines à chaque fois que je vais au magasin, t'sais. C'est une grande problématique au Québec. Il y a des endroits où il y a des centres de recyclage, des centres de consignes où tu vas reporter toutes tes consignes au même endroit. Puis ça, c'est un combat que l'AMQ, l'Association des microbrasseurs du Québec, a avec le gouvernement, avec Recyclage Québec, pour essayer de trouver une solution à ça. Et puis les plus grandes victimes, c'est les dépanneurs spécialisés comme nous autres qui est pogné avec la moitié, sinon le trois quarts du backstore à classer 50 sortes de bouteilles différentes puis à essayer de shooter sur livreur qui refuse tout le temps. C'est un hostie de chiard. C'est nous autres qui est pogné avec le plus gros. Puis là, t'es obligé de reprendre la consigne en tant que ben oui, qu'indépendant. Ben oui, absolument. Puis c'est juste la gestion. Là, il faut que je la vende. Si je la vends, la bouteille, si c'est moi qui l'ai vendue, il faut que je la reprenne. Puis moi, je veux dire, on donne un bon service. On va reprendre à peu près tout ce qu'on est capable de prendre puis d'ordonner au livreur. C'est ça, les livreurs sont quand même bien gentils, ils vont souvent reprendre des bonnes quantités. Y a-t-il des compagnies qui reprennent pas leur bière? Sûrement quand ils ont pas de place. Ouais, c'est très rare, puis on s'arrange, puis on... Ouais, ils changent l'ordre de livraison au pays pour être... Mais c'est très, très rare. Habituellement, ils vident leur camion avec les boîtes qui te livrent, qui remplissent de vide le trou. Olivier! Fait que votre désavantage là-dedans, c'est qu'il faut genre tout démêler ces hosties d'affaires-là. Ça dort chez vous, puis ça prend de l'espace... du pied carré pendant longtemps. Ouais, si tu passes, prochaine fois tu passes, Eric, à la boutique, je vous montrerai l'espace de bouteilles vides. Ah, c'est ça. Puis hein, vous allez comprendre, c'est j'ai tough. J'ai une question concernant pas ça. Ouais. Ta rang 8, vas-tu la finir? Non. Mais donne-moi ça. Ouais. Pas sûr qu'il y a besoin. Et si, bon, je pense qu'on cancelle Noël live là. La canette vous sauverait la canette le cul comme on dit. La canette c'est différent. La canette est un contenant à remplissage unique qu'on appelle la canette aussitôt que tu vends une canette à 20 sous, t'es obligé de reprendre toutes les canettes à 20 sous. Si quelqu'un veut me porter une canette à 20 sous mais que j'avance pas, je suis obligé de la reprendre. Alors que la bouteille, tu peux la refuser. J'avoue que la canette, si je vais te porter une grosse canne de Wildcat, t'es obligé de la reprendre dans ton magasin de bière spécialisé. Absolument. Wow, mais la canette, j'avoue que la minute que tu l'as popée, c'est comme faut que t'as refonde au complet, t'as remold tout le kit. Ouais. Tu peux pas juste remolder le bout qui fait une bouteille brune, t'as la lave. Versus la bouteille brune que rinse puis c'est ça, la chaleur. Je regarde toutes ces bouteilles là, ils ont toutes l'air neuves. C'est pas comme les bouteilles dans notre temps là des Hockey, justement, tu sais qui se frottaient ensemble dans la caisse de 24, qui avait tout un crime. Un magasin. Il y en a des fois qui ont ça. Ah ouais, ça commence là. Ah non, ben ça fait un bout ça roule. Parce que moi je regarde ces bouteilles là puis regarde sont toutes. Mais ils doivent avoir un moyen aussi en les nettoyant de les grinder ou les changer. Je sais pas. Ils sandblastent tout ça. Mais puis les microbrasseries sont microbrasseries sont obligés d'utiliser un certain pourcentage, sont obligés de réutiliser un certain pourcentage de leurs bouteilles. Fait qu'ils sont obligés d'en ramasser aussi des bouteilles vides. Alors que les canettes, c'est un autre organisme qui vient les chercher. Okay. Alors les canettes, ils les livrent puis ils reprennent jamais. C'est un autre organisme. Les canettes sont littéralement fondues. Oui. Les bouteilles sont nettoyées. Sont réutilisées à peu près une dizaine de fois. Oui. Avant d'être fondu puis d'en recréer une nouvelle, parce qu'il y a une faiblesse qui se crée. Moi, sans nommer où que je travaille, on a comme client Molson puis Labatt puis des affaires de même. C'est sûr, c'est un autre niveau à grande échelle puis tout. Mais des fois, je vais visiter les entrepôts, les plans de production puis tout pour nos produits. Puis, qu'est-ce que tu fais, Rick? je vois carrément des fois il y a autant de bouteilles vides que de bouteilles pleines, si on peut dire, comme dans mon bac dans l'entrepôt. Mais c'est ça, c'est OK. Ah, Eric fait il est sous là. C'est ça. Je pense que je vais prendre l'high road. Non, ce qu'on va faire, c'est que ça fait déjà quand même 3 heures qu'on enregistre. Oh. Ouais. On a perdu Eric en bout de chemin. Olivier? Oui. Il change la bite. J'espère que ton deuxième passage ne sera sans regret. Ne nuira pas au troisième. On est déjà sur la blacklist. J'ai déjà hâte au troisième, puis ça peut être avant 4 ans. Oui, effectivement. Bon. J'aime ça. Bon. Puis merci de nous challenger là-dessus, Fille, aussi, parce que. Fait que bien collectif. Mais oui, mais sincèrement, c'est vraiment apprécié que tu viennes faire un tour. Parce que quand je suis allé au Biarrolog, le Biarrolog venait d'ouvrir. Puis David, je le connaissais pas encore. Puis j'avais pas commencé à avoir mes grosses discussions existentielles sur la séparation du Québec, l'Ontario, du Canada avec lui encore. Non, David, il est intense. Oh. David, il est juste spécial. Je l'aime bien. Je l'aime comme c'est. Il aime la francophonie. Oui, il aime la francophonie. Puis moi, je le fascinais parce que j'étais franco-ontarien. Oui. Fait qu'on a toujours des belles discussions. Puis on a encore aussi. Mais je suis très heureux de t'avoir rencontré ce jour-là quand je pensais que tu étais le propriétaire, puis je t'ai invité. Je pense que je suis plus heureux que tu es venu. Il était déçu sur le coup. Non, mais... non, même parce pas. Que même pas, parce que quand on a eu la première soirée chez Nick au-dessus du dealership de Ducati dans Montréal-Nord, Ducati, ouais. C'était vraiment une découverte de fou, puis je suis vraiment honoré que tu as accepté de revenir. Puis le fait que tu viens pour boucler un petit peu notre centième, je veux que tu saches que c'est vraiment un honneur. Puis je suis tellement content de ton parcours, de quand on t'a vu la première fois, puis où est-ce que tu es en ce moment. Puis je te souhaite que du succès, parce que tu as vraiment un bon produit, puis tu as vraiment un beau magasin. Puis merci. C'est vraiment important pour moi de te dire. Puis merci d'avoir venu, sérieux. C'est très admirable. Content d'être venu ici avec des bons vivants. Ouais, non, oui. Ouais, mais toi aussi, t'es un bon vivant. C'est juste que tu deals avec une maladie avec qui finit, puis des gauchos, puis le fait que tu comme... J'ai, en temps normal, tu j'ai plus aussi d'énergie. Nous, j'ai plus d'énergie en ce moment. J'ai été un peu magané cette semaine, mais j'ai donné ce que je pouvais. Ça fait qu'on toute sa bière là, va finir de clairer, là, toute la mais mécanisme. C'est vraiment apprécié, sérieux, sincère. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que on a réussi à passer 3 heures ensemble, jaser de bonnes bières, jaser de bons moments. La mauvaise nouvelle, c'est que ça arrête là. Ouais. L'autre bonne nouvelle, c'est que les gens peuvent venir te voir chez Expérience Bière. Puis là, c'est la 51. Shameless plug, vas-y. L'adresse, le Facebook, toute la quête, garde-toi, là, c'est le moment de la shameless plug. Nouveau magasin ouvert depuis le 1er septembre sur Expérience Bière, sur la rue Amherst, 1751, au coin de Robin, entre Ontario et Maisonneuve, et voilà. Il va peut-être falloir que tu changes le nom de ta rue, par exemple. Hein? Oui, il n'y a pas de problème. Lorsque les procédures... Refaire les cartes d'affaires, tout ça, gaspillage d'argent. Ouais, ça coûte 80$ un set de cartes d'affaires. Ça, écoute, il n'y a pas de problème. Des drames, mais non, mais il parle des drames de centre-sud. C'était un méchant. C'était un gars qui a exploité des Indiens, je pense. Puis évidemment, on a un Facebook, Expérience Bière, sur Facebook. Et voilà pour la shameless plug. Excellent. Vous avez un beau branding aussi de magasin. C'est très joli. Puis vous avez un beau petit vidéo promotionnel sur votre page que j'ai regardé et puis qui est très vivant et pompeux et très agréable. Donc, c'est regardé plusieurs fois, je pense. Hein? On aime bien l'artiste qu'on a trouvé qui fait ça. On aime encourager notre voisinage. Et c'est un gars qui travaille à l'auberge de jeunesse en face qui nous a proposé ses services. On savait pas en tout ce qu'il était capable de faire. On a dit « let's go, on t'engage ». Et si je peux donner un conseil, même si je suis pas vraiment conseiller. Vas-y. Les médias sociaux, misez là-dessus. Ça fait la différence des fois entre genre « ok, shit, ils viennent d'avoir cette bière-là, faut y aller tout de suite ». Ou tirer des affaires de même, puis soyez vivant sur les médias sociaux. Je pense que c'est l'avenir, là, carrément. C'est l'avenir depuis très longtemps, mais je pense que c'est le nerf de la guerre, plutôt. C'est ça l'expression. Un gros merci à Dom aussi également, que honnêtement, il a crash, mais il a apporté tellement de l'eau au moulin que c'était super cool. Merci Dom d'avoir passé ça avec nous. C'est pas une guinée, c'est là. Mais il est arrivé avec son street cred de podcaster, son street cred d'arcade, son street cred de gars qui connaît en calice la bière. Ouais, en skateboard. Je drop des affaires. Tantôt, je droppais des noms de houblon, puis là, j'étais comme « Fuck, c'est quoi dans l'autre, là? » Il y a juste Cascade, Lucia tantôt. Mais là, j'ai oublié. J'avais juste le citra en tête. Là, j'ai de l'air bing, mais j'ai oublié tout le nom. Je pense que... Toi, fêtes d'hommes, on va finir ça. Je pense qu'il faut, ce qu'il faut retenir de Dom, c'est « Drink from the can ». Ouais, c'est exact. Ça. C'est l'avenir, man. « Drink from... » C'est le prochain grand débat au Québec. Michael Jackson l'a dit. Puis toi, Dom, on peut te voir où, là, en temps de plug? Ah, ben... podcast rétro nouveau. That's it. Et puis chez Arcade Montréal, bar arcade dans lequel tu DJ à tous les vendredis. Et jeudi cette semaine. Demain d'ailleurs. Party, j'espère que tu vas être en forme. Je travaille pas demain, fait que je vais dormir. Demain, t'as un gros événement très important pour nous autres qui va être très rentable. Fait que en tout cas, je voulais juste dire que c'est très important pour l'entreprise qui aille très du plaisir ce 5 à 8 là. C'est pour ça que j'ai hâte demain. Calice de pression. C'est pas comme si le 3h demain ça, va être vraiment. De boire, là. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Okay, c'est good. Ben, merci les boys, out of nowhere, j'arrive ici, je bois de la bière, bien je suis heureux, tu veux. Puis je rencontre du bon monde, puis je bois, man, des bières, là, cette milkshake IPA, là, c'est quelque chose, je vais acheter ça, puis je vais faire découvrir ça à ma blonde aussi, elle va apprécier, c'est sûr, et tous les autres produits, donc merci. Excellent, mais merci beaucoup. Rick? Ben, Eric, vous êtes chez nous en ce moment, DJ Sharkad MTL, dude qui parle trop, puis qui boit trop dans les spéciales de bière, puis aussi, je suis sûr que je review. Peut-être d'avoir un à soir, je pense, mon premier. Je pense qu'on s'enligne d'avoir un nouveau à soir, moi, je pense. Mais ouais, c'est ça. Merci à Dom, merci à Olivier, sincèrement, du fond de mon cœur. Je suis super content que tu es venu. Merci à André pour un 99e. Merci une fois encore de m'envoyer un petit message sur Facebook random après une vacance de Soulon, de Mexico. Je te dis, j'ai une idée de podcast. Merci à Milter qui a accepté mon friend request. Bienvenue. Puis je te remercie. Faut que tu me remercies aussi. Dis-moi merci, Eric. Bienvenue. Non, dis merci. Merci, Eric. Parce que ta barbe, ça me fait plaisir de t'avoir fait pousser ça quand on s'est rencontrés. Puis c'est ça. Milter. Il t'en reste-tu pour la centième? Ah, oh, il m'en reste beaucoup. Il va brailler, Chris. Ajoutez-moi sur Xbox. Il joue à Cuphead. Cuphead, Milter 187. J'ai une fanpage à mon nom à cette heure aussi. Fait que vous pouvez m'envoyer quand chier pas directement. Facebook, ouais, c'est ça. Quand je suis pas ban de Facebook, Eric peut poster sous mon nom sur ma page parce que Eric est mon admin de ma page Facebook. c'est mais au WEG l'année passée. Au WEG, l'année passée, on a fait des gros lives de sa page pendant qu'il était banni. Mais avec son sel, ben, j'étais banni. Fait que c'était comme exclusif. On a même, vu une certaine personne brûler des Tostitos. Oui, je sais pas c'est qui. Un feu de vidange dans un chalet à 2 millions. Rien de plus beau avec un poncho magique. Hey, j'ai même pas dit que c'était quoi mon nom d'Xbox. Oui, c'est Zombie Milter 187. Toi, tu le sais, mais j'ai pas dit. Ok, c'est Milter 187. Fait que si vous êtes un auditeur, ça fait 3h et 5 et 6 et 7 et 8. Ça fait 3h que 2h et 30 après le montage. Ah non, non. Et... 3h22 après le montage. Fuck ça, uncensored. Non, mais merci d'avoir été avec nous autres ce soir. C'était vraiment intéressant de pouvoir découvrir des parsèmes du monde de la bière, des parsèmes de monde sous qui déblatère autour d'une table, c'est sûr et certain. Mais épisode 99 du collectif, c'est vraiment cool de vous avoir avec nous autres tout au long de l'aventure. Merci à nos Patreons qui nous soutiennent tout le long de nos 2-3 ans sur Patreon, qui nous aident à garder les lumières ouvertes. Merci à tout le monde qui like la page, qui partage des shit. Et surtout, ben, on va être de retour la prochaine fois pour le 100e épisode dans une contrée éloignée de Laval. Mais on va être dans un endroit quand même intime pour pouvoir vivre un 100e épisode avec nos proches et nos amis. On va envoyer des invitations sous peu. Et sur ce, ben mon nom est André Paquette. J'anime le show. Puis même si vous m'ajoutez sur Facebook, ben il y a des chances que je le garde caché parce que je suis quand même intime comme personne. Mais on a une page Facebook qui est Geek Collectif le podcast. Que vous allez avoir moi un invite, je m'en calisse. Je dis ça, je t'intime, je stream. Appelle Eric au 5. C'est quoi déjà ton numéro, Eric? 514-521-2900. Calisse, après 5 ans, je suis encore surpris que tu fasses ça. Fait que. Puis je l'éditerai toujours pas au montage. Envoyez-lui vos suggestions de tunes que vous voulez entendre. Appelez-moi un soir random, savoir si je sais où. No worry. Ça, je vais le couper, par exemple. Calisse. Ça l'arrive. Oh, c'est qu'on vient de l'échapper. Une chance, trois lives. Après 3h, le temps, le monde... Donc, guys, merci beaucoup. Nous sommes... Olivier est comme calisse. Ça cirrhose du foie, là. Ouais, faut qu'on finisse ça, là. Donc, nous sommes geeks, le collègue... Nous sommes Geek Collectif, le podcast, une émission balado-diffusion francophone sur la culture geek populaire et impopulaire. Un gros merci d'avoir été avec nous et on se revoit lors de la 100e. C'est ça! Yeah! Bye-bye!